La signalisation annonce un rétrécissement de la chaussée 50 mètres environ après le panneau. Celui-ci est complété par des cônes servant à délimiter la zone visible des travaux en cours. L'obstacle étant situé de mon côté, je suis tenu de m'arrêter puisqu'un usager arrive en sens inverse. Réponse B.